Le Merle et ses voisins. C'est un podcast qui chronique le confinement d'habitants d'un immeuble du quartier de la Chapelle à Paris. La vie y est désormais rythmée par le chant puissant d'un oiseau, perché fièrement sur une antenne, aussi libre que nous sommes prisonniers. Deuxième épisode, Louise, une confinée modèle. Je suis Louise, j'ai 29 ans, j'ai soufflé ma dernière bougie pendant le confinement. J'habite le 4e étage droite et je suis dans l'immeuble depuis 6 ans. Et je suis mannequin. Je suis arrivée dans l'immeuble donc il y a 6 ans. Avant ça, j'habitais dans le 9e où j'ai grandi. Donc c'était en réalité ma deuxième adresse. Je suis arrivée ici, je crois que j'avais 21 ans quand j'ai visité l'appartement. Et je me suis installée 9 mois plus tard après des longs travaux. Donc c'était la première fois que je vivais seule. J'avais une petite expérience avant à l'étranger. Parce que pour mon boulot, j'ai pas mal bougé. Et donc j'avais habité en Australie seule avant d'arriver ici. Mon appartement, j'ai passé pas mal de temps à le chercher. Je crois que j'ai fait des visites pendant presque un an, un peu moins, 10 mois je crois, mais à un rythme quand même un peu accéléré. Donc j'en ai vu beaucoup. Je pense qu'au moment où je cherchais, il n'y avait pas grand-chose. Au départ, je regardais beaucoup dans le 9e, qui était le quartier donc, que je connaissais bien et que j'aimais beaucoup. Et puis, il n'y avait pas grand-chose. Et donc au fur et à mesure, j'ai un peu étendu mes recherches. Et je suis arrivée ici après avoir vu une annonce où tout me paraissait trop beau pour être vrai. Donc je me disais, il doit y avoir un loup, et puis je suis arrivée dans cette rue donc, de la Little India, que je ne connaissais pas du tout, et j'étais assez séduite tout de suite, déjà par le quartier, qui était plus calme à ce moment-là, et que j'ai trouvé vraiment charmant, quoi, sympa. Il y avait une ambiance différente qui m'a plu tout de suite, et puis l'appartement, c'était le coup de cœur. C'est vrai que j'étais très jeune, et à ce moment-là, c'était un rêve de pouvoir m'y projeter, parce que tout ce que j'avais vu avant ça, c'était beaucoup plus petit, c'était des surfaces beaucoup plus petites, etc. Le fait d'aller un peu plus loin de mon premier périmètre de recherche, ça m'a permis d'avoir ce grand et bel appartement. Et après, j'ai dû faire beaucoup de travaux parce que l'appartement était en mauvais état. Alors, la réaction de mes parents quand j'ai trouvé cet appartement, déjà, je crois qu'au tout début, quand j'ai commencé à chercher pour partir de chez eux, donc, ils étaient assez sceptiques parce que donc, je travaillais déjà comme mannequin. Eux, ils voyaient ça vraiment comme une petite parenthèse. Ça devait au départ être une petite parenthèse et le but était de reprendre mes études ensuite. Donc pour eux, chercher un appartement, faire en plus à acheter, donc faire cet investissement, enfin disons que ça ne les rassurait pas beaucoup parce que ça voulait dire continuer à travailler pour pouvoir rembourser mon emprunt, etc. Donc ils n'étaient pas trop derrière moi. Alors qu'aujourd'hui, ça, ils l'ont complètement oublié parce que pour eux, c'est le meilleur choix que j'ai fait. Quand j'ai trouvé cet appartement, ils sont venus voir évidemment l'appartement et le quartier. Et je me souviens, on avait fait un tour en voiture dans le quartier un petit peu pour voir, etc. avant que je prenne ma décision. Et c'était donc un dimanche après-midi pluvieux. Il faisait un temps particulièrement glauque, vraiment. Je pense que mon frère et ma sœur, qui sont plus jeunes que moi, devaient être avec nous. Donc on était tous les 5 dans la voiture à vadrouiller un peu. Et c'était, effectivement, même moi, j'ai eu un moment de doute parce que c'était une journée hyper glauque et tout paraissait sale, tout paraissait triste. Et je me souviens de mon père avec la tête un peu défaite qui n'osait pas trop me le demander, mais bon, qui voulait quand même me dire « Est-ce que tu es bien sûre de vouloir t'installer là ?» Et plus bas dans la rue, on a un commissariat, donc il s'était arrêté pour poser la question. Il leur avait demandé « Voilà, j'ai ma fille qui compte s'installer dans la rue seule. Est-ce que ça vous paraît safe ou pas trop adapté ?» Et les policiers qu'il avait rencontrés lui avaient dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'effectivement il pouvait y avoir quelques violences dans le quartier, mais simplement entre Sri Lankais et que pour les autres habitants, il n'y avait absolument pas de problème. Donc ça l'avait un peu rassuré et puis voilà, et après l'aventure a démarré, les longs travaux. Tous les soirs sans fin, je traînais sur ma veste. Mon gilet de satin, c'était la Dolce Vita. Je cherchais l'aventure jusqu'au petit matin. Je me prenais pour béni en conduisant une main. Pendant ce temps de confinement, je me rends compte quand même d'une grande chance qu'on a, puisque maintenant on vit à deux dans cet appartement. Je suis avec Gauthier. C'est le fait de vivre dans un appartement bon, qui est spacieux pour nous deux et qui est surtout hyper lumineux. Et ça, je pense que ça change beaucoup les choses, notamment pour garder le moral, le fait d'avoir de la lumière, de récupérer un peu de soleil, le fait d'avoir des arbres aussi devant nos fenêtres, pour avoir du vert, je trouve que ça aide beaucoup. En ce qui concerne l'immeuble, ça faisait déjà un moment qu'on avait une dynamique assez sympa où on commençait à tous se connaître, on se rencontrait quand même déjà régulièrement. Et je dirais que cette période a accéléré un peu tout ça, où ça nous a poussé à nous connaître encore mieux et à se serrer les coudes. Je me rends compte par rapport à donc, mes parents, notamment, ou d'autres amis qui sont confinés à Paris dans d'autres quartiers. Le fait d'être dans un quartier peut-être un peu populaire aujourd'hui a ce gros avantage qui est que les gens n'ont pas déserté et donc on est tous présents à vivre ce confinement ensemble plutôt que certaines personnes qui me racontent qu'elles se mettent à leur fenêtre à 20h pour applaudir les soignants et qui sont seules à leur fenêtre. Ça, je trouve ça un peu plus dur. Dans l'immeuble, j'arrête pas de le raconter autour de moi et tout le monde, les gens n'en reviennent pas parce que je pense que c'est pas commun. Tout le monde a un peu mis ses différents talents à l'œuvre pour rajouter des petites choses un peu sympas au quotidien de chacun. Donc on a par exemple une voisine, Marion, qui travaille dans un restaurant et qui cuisine extrêmement bien, c'est ce qu'on a pu découvrir, et qui nous a permis de partager ça avec elle. Donc elle a mis plusieurs fois à disposition des choses qu'elle avait préparées, tout en suivant bien les règles sanitaires. On a pu profiter de ses chefs-d'œuvre culinaires. Ed, qui est photographe, qui profite des petits moments où chacun est à sa fenêtre, ou des moments où les enfants jouent dans notre cour pour prendre des photos, faire des portraits de chacun. On a deux enfants dans l'immeuble qui tous les jours sortent dans la cour pour jouer, qui nous ont fait des grands dessins à la craie, qui nous permettent d'avoir des petits tableaux colorés de nos fenêtres. Donc plein de petites choses comme ça qui nous permettent de nous connaître plus, d'illuminer un peu nos quotidiens un peu moroses. La nouveauté, c'est qu'on a un peu plus découvert nos voisins d'en face, des immeubles d'en face, que moi j'avais jamais trop aperçu, que je connaissais pas. Et le fait d'avoir fait un peu nos petites booms de balcon où on se parlait, on a quand même eu un épisode où on hurlait tous nos numéros dans la rue pour se faire un groupe WhatsApp et préparer nos playlists pour la boom du vendredi suivant, ce qui était quand même un moment assez marrant, je trouve. Pendant longtemps, j'ai regretté qu'on manque d'une vie de quartier, puisqu'on est donc dans un quartier sri-lankais, tous les commerces sont sri-lankais, mais finalement on vit un peu deux vies parallèles, on ne les connaît pas plus que ça, enfin moi en tout cas, je n'ai pas beaucoup d'échanges avec eux. Et on n'a pas beaucoup de commerces ou de lieux qui permettent aux gens du quartier de se retrouver, de se croiser. Quand on a su officiellement qu'on allait être confinés, j'ai ressenti un peu quoi, comme un sentiment de claustrophobie. J'ai beaucoup de périodes comme ça où je passe beaucoup de temps dans mon appartement entre les périodes un peu denses de boulot. J'ai parfois des grosses périodes de creux où en fait je me rends compte maintenant que je m'auto-confinais déjà toute seule. Ce qui me paraît un peu absurde maintenant parce que je me dis que personne ne me l'imposait et pourtant je me l'imposais déjà. Mais là, le fait qu'on nous l'imposait réellement, qu'on n'avait pas tellement le choix, j'ai eu un peu une montée d'angoisse. Le début du confinement, finalement, comme on vivait tous un peu la même chose, j'ai l'impression, avec un peu de recul, que comme si on s'était senti un petit peu soutenu par le fait qu'on était tous dans la même barque. Et donc, c'était le moment où, moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. J'avais ma famille beaucoup plus souvent au téléphone, mes amis, et voilà, on était tous un peu entraînés dans cette même situation inédite. Et donc, je dirais pas qu'il y avait une excitation par rapport à ça, mais au moins, on savait qu'on rentrait dans une période qui allait être un challenge, qui allait pas être très réjouissante, mais c'était aussi quelque chose de nouveau et qui offrait la possibilité d'essayer d'en faire quelque chose de bénéfique. Alors, justement, mon petit regret, peut-être, c'est que j'aurais bien aimé avoir peut-être un projet créatif. D'ailleurs, j'aurais voulu qu'on trouve quelque chose à faire à deux avec Gauthier pour faire de ce temps, d'avoir un projet à deux. On n'a pas vraiment trouvé l'idée, donc je peux pas vraiment dire que les choses soient concrétisées dans ce sens. J'ai fait un énorme tri de tout dans notre bibliothèque, dans mes affaires, dans tout, des gros rangements. C'est ce qui m'a occupé les premières semaines. Et l'ordre du jour, c'était vraiment, je me mets à jour, je me débarrasse de toutes ces corvées pour enfin, après, utiliser mon temps pour faire des trucs plus intéressants. Donc j'étais presque déçue une fois que mon appartement était nickel, rangé, trié, parce que je me suis retrouvée un peu démunie. Je ne savais plus très bien quoi faire. Dans mon boulot, j'alterne des périodes très denses où j'enchaîne beaucoup de voyages et avec des rythmes de travail un peu effrénés, des horaires un peu compliqués. Donc souvent, quand ces périodes-là s'achèvent, Je reste beaucoup chez moi, d'abord pour me reposer, parce qu'en général, j'en ai besoin au départ. Et souvent, c'est vrai que comme pour le moment, je n'ai pas une autre activité ou un réel projet à côté de mon travail, c'est des temps que j'ai un peu du mal à remplir et où donc je reste déjà beaucoup chez moi. Et souvent, je finis un peu par me créer un peu ma bulle. Et c'est vrai que c'est des périodes où je ne vois pas beaucoup de monde, où je ne sors pas beaucoup. Donc, j'avais déjà un peu cet entraînement de confinement, mais que je ne vivais pas très bien parce que j'ai du mal moi-même à me structurer. Et donc, petit à petit, je me retrouvais avec des journées très décousues où j'avais du mal à me lever toujours à des heures décentes le matin, à perdre un peu le rythme même de mes repas, etc. Donc souvent, c'est des périodes où je me retrouve un peu avec le moral dans les talons. Et au début de ce confinement, j'avais évidemment une grosse appréhension par rapport à ça parce que je sais que c'est des temps que je gère très mal. Mais le fait d'être confinée cette fois avec Gauthier, je me suis dit assez vite, ce sera peut-être l'occasion pour moi, comme je sais que lui est beaucoup plus structuré, beaucoup plus rigoureux que moi, de réapprendre à vivre ces moments-là, à savoir mieux gérer mon temps. Je pense qu'il avait absolument besoin de ressentir au début qu'il continue à garder le même rythme. Lui, il continue à mettre son réveil hyper tôt le matin, à s'habiller comme s'il partait au bureau, vraiment, donc chemise, chaussures de ville, juste pour passer de la chambre au salon, et de garder les mêmes horaires. Donc voilà, il faisait sa pause déjeuner parfois quand je voulais profiter de sa pause pour faire un peu plus de choses avec lui. Il me rappelait à l'ordre en me disant « Non, non, là, ça y est, j'ai trop débordé, il faut que je retourne travailler ». Je pense que c'était sa façon de garder la tête hors de l'eau et moi ça m'a un peu déstabilisée au début parce que j'espérais quand même qu'en étant confinés à deux on ferait peut-être plus de choses ensemble et qu'on passerait plus de temps ensemble. Là j'ai un peu l'impression d'être en stage du coup avec Gauthier à réapprendre un peu à gérer ses journées et donc ça se passe de ce point de vue là, ça se passe mieux. Je viens de terminer La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson que j'ai trouvé superbe, c'est un livre que je recommande et qui par pas mal d'aspects a quand même un peu un écho avec ce qu'on vit en ce moment sur les vies qu'on mène aujourd'hui, sur l'être humain. Je trouve que dans le contexte que l'on vit là, il y a un vrai écho et j'étais contente de le lire confinée. Au-delà du fait que c'est un livre extrêmement bien écrit et assez philosophique qui m'a permis de m'évader un peu. Je ne peux pas travailler pour le moment et surtout je ne sais toujours pas quand je pourrais retravailler puisque je ne fais pas un métier qui permet vraiment de respecter les règles sanitaire. Si tout d'un coup on met les maquilleurs ou les coiffeurs à un mètre de moi, je pense que ça va devenir un peu compliqué. Donc, et c'est aussi un métier qui me pousse à beaucoup voyager puisque je l'exerce pas seulement à Paris. Donc voilà, ça fait différentes raisons pour lesquelles je sais pas du tout quand ou comment je vais pouvoir reprendre mon activité. Je sais pas si ça m'angoisse, mais je trouve en tout cas pénible le fait d'être dans le flou et de manquer d'informations pour pouvoir me projeter. Ou en fait, je me rends compte que c'était plus facile d'apprendre qu'on allait être confiné, où finalement c'était pas une perspective très réjouissante, mais on sait ce que ça veut dire et on peut essayer d'organiser les choses comme on le souhaite en connaissant le contexte qui nous est imposé. En revanche, le déconfinement, c'est un mot pour le moment qu'on ne sait pas très bien comprendre. On n'a pas tellement de... Pour l'instant, on manque d'informations pour que ce mot ait vraiment un sens. Donc je trouve que là, non seulement on est un peu usé du fait de ce mois et demi de confinement, mais en plus... Plus qu'au départ, on n'a pas de visibilité et on commence à découvrir quand même de plus en plus que les répercussions de cette crise vont être très longues et certainement bien plus importantes qu'en ce qu'on pouvait ou en tout cas que ce que je voyais au départ. Donc je trouve que là, ça devient un peu plus dur parce que il n'est plus seulement question de 2 mois de confinement, il est question peut-être d'une année encore un peu en suspens. Je trouve quand même que ce qui nous arrive en ce moment, on peut difficilement ne pas voir ça comme un espèce de très gros signe. Ça fait très longtemps qu'on se dit qu'on court à la catastrophe dans nos façons de vivre, de consommer. Ça fait quand même beaucoup de temps maintenant qu'on parle beaucoup d'écologie, de choses comme ça, qu'on voit des choses qui changent, les mentalités évoluent, nos habitudes aussi. Et le maire est avec nous. C'est le maire, ça. Et donc, il y a beaucoup de choses qui bougent, mais on sait que ça bouge pas assez vite, pas suffisamment. Et puis voilà, tout d'un coup, on a ce Covid-19 qui nous tombe dessus, comme si on était punis, chacun au coin, dans sa chambre, et maintenant réfléchissait à la suite. Et je trouve que c'est comme ça qu'il faut le voir. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Ce qui est sûr, c'est que dans les mois qui viennent, je pourrais pas continuer mon métier comme il existait jusque-là. Bon, déjà, je sais pas très bien quand je vais pouvoir travailler, comment... Mais au-delà de ça, comme pendant encore des mois, c'est sûr, on ne pourra plus voyager de la même façon, les frontières, en tout cas hors espace Schengen, vont être fermées pendant encore un moment, je pense. Ça pose beaucoup de questions. Le calendrier de la mode est rythmé en fonction des Fashion Week, donc il y a pas mal de Fashion Week et de rendez-vous comme ça pendant l'année. Il y a le prêt-à-porter, donc là la prochaine Fashion Week prêt-à-porter pour la femme commence fin août à New York. Donc tous les mannequins arrivent fin août pour commencer tous les castings, etc. à New York. La Fashion Week se passe à New York. Ensuite, tout ce petit monde de la mode se déplace jusqu'à Londres, puis Milan, et ça se termine à Paris début octobre. Et c'est une période pendant laquelle aussi bien les mannequins que les coiffeurs, les maquilleurs, les rédacteurs se déplacent. Et ça, je vois pas très bien comment ce serait possible en septembre prochain. Je me dis, je trouve que ça fait un moment qu'il y a une sorte de surenchère justement dans ces défilés qui sont toujours de plus en plus spectaculaires. Maintenant, pour beaucoup de marques, c'est des shows énormes, c'est assez fantastique, il y a des trucs magnifiques. Mais je trouve que c'est de plus en plus déconnecté à l'époque dans laquelle on vit, où on se rend bien compte qu'il y a plein de choses qui ne peuvent plus fonctionner de la même façon. Et on a certaines grandes maisons en France qui font maintenant jusqu'à parfois 15 collections par an, entre prêt-à-porter deux fois par an, hommes, femmes, la haute couture, ce qu'on appelle les défilés cruise, les défilés croisières. Enfin, il y a de plus en plus d'événements, donc de plus en plus de collections, produites évidemment aux quatre coins de la planète, avec donc ces défilés qui sont toujours plus loin, dans des lieux toujours plus exceptionnels, extravagants, mais loin, et donc qui poussent tout le monde à voyager énormément. Enfin, beaucoup de choses, je trouve, qui aujourd'hui sont presque de mauvais goût. Le confinement m'a pas donné envie de remettre en question ma vie ou ma profession, etc. Enfin, mon métier, de toute façon, je le ferai pas toute ma vie, quoi qu'il arrive. Mais là, pour le moment, je sais que dès que je pourrai me remettre à bosser, ce sera quand même un peu ma priorité aussi, pour des raisons beaucoup plus terre à terre. Donc voilà, je me pose évidemment des questions parce que je fais un métier qui me force à voyager beaucoup, à prendre l'avion parfois plusieurs fois par semaine, etc. Évidemment, je ne suis pas 100% à l'aise avec ça, mais je ne suis pas encore prête à changer complètement mon mode de vie. À Paris, je pense qu'on a tous quand même beaucoup des vies un peu avec des rythmes effrénés. Moi, j'ai l'impression souvent de subir un peu ce rythme, d'avoir des semaines très très remplies, en partie de choses dont j'ai pas forcément hyper envie, beaucoup de dîners, et très souvent de courir sans profiter vraiment de quoi que ce soit. Le fait d'être à l'arrêt, de prendre le temps parfois nous semble même trop long tout d'un coup, mais en même temps, je trouve qu'il y a un côté comme ça très apaisant. J'ai un petit exemple qui me vient en tête. On a donc des platanes dans notre rue. Et nous, du quatrième étage, on a vu depuis le début du printemps les feuilles pousser. Et on se met souvent à notre fenêtre pour prendre l'air un peu tous les jours. Et c'est Gauthier qui, depuis le début, fait une obsession. Il observait une toute petite feuille qui commençait à pousser. Et donc régulièrement, tous les quelques jours, il monte sa feuille en me disant « T'as vu encore comme elle a grandi ?» Bon, c'est des petits détails comme ça, évidemment, qui pour nous ne seraient jamais arrivés dans nos vies d'avant. Je trouve qu'il y a un retour comme ça à des choses toutes simples, mais aussi assez essentielles que je trouve super et que j'aimerais bien essayer de garder. Après les premières semaines de confinement, quand on a commencé avec Gauthier un peu à trouver notre rythme, à trouver les petites choses qui nous aient du bien dans la journée pour tenir le coup, il y a presque un moment où en fait je me sentais bien dans ce nouveau rythme, ce nouvel équilibre qu'on avait trouvé. Et tout d'un coup, j'ai un moment où je me suis dit, mais en fait, quand ça va s'arrêter, j'ai presque être triste de le revoir partir travailler le matin, chacun reprendre un peu le cours de nos occupations. Thank you. venez découvrir le second épisode du podcast « Le merle et ses voisins ». Retrouvez-nous très prochainement avec Maude, Thomas, Anne-Sophie et Pablo qui nous raconteront leur cluster du troisième étage.